Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu écoutes tes blessures? Est-ce que pour être Rabbani, est-ce que pour être empli de la présence de Dieu, tu as fait ce cheminement de ton écoute personnelle? Non pas par égoïsme, non pas pour fusionner avec ton moi, non pas pour aimer tellement ton moi que tu finis par te confondre dans un égoïsme ridicule, non.